13-40, exercice test, forme verbale. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez... Vous allez à Chartres? Et vous écrivez... Oui, je vais à Chartres. 1. Vous venez? 2. Vous devez venir? 3. Vous voulez venir? 4. Vous pouvez venir? 5. Vous savez l'heure qu'il est? 6. Vous voyez? 7. Vous connaissez Marie-Laure? 8. Vous comprenez? 9. Vous tenez le bateau? 10. Vous essayez?